Excusez-moi, ils allaient suite, c'est Kataki. Je disais, Candido Keke a introduit une demande à Zonga Napareko. Moi, je ne suis pas de la Pareco, Nakenakolanda, Bata Pareco, non. Ça ne me concerne pas. Mais moi, je vous donne l'information parce que j'ai été sali concernant Candido Keke. Lelo Oyo, je vous dis, Lelo, Ndenga na Sabino Boué, la lettre de Candido Keke et Zali, na présidence, na bureau ya Pareco azali kosenga azonga na Pareco, c'est-à-dire que aye ko remarqué, elle a détruit Honoré Mbanda, elle a sali la Pareco, akei kopé sa rapport et pas bakabiliste. Et pas bah, Tshisekediste, croyant que bah, comme il s'agit ministre, bah, il y a un remaniement aujourd'hui au salaire, Candido Keke attendait poste. Et vous voyez, bah, Milouvor, Baza Bato Tchobo, bah, bêtier dernier de Tchobo. Candido Keke dessus. Voilà, il y a qu'on a un appareil pour se repositionner. Yambara oyo na yebite, ezali kulute bamba mutu wa koboma, ou bien a koboma nani mbaloyo, après Honoré Mbanda. Nani a koi kondima, na moma oyo tozali koloba. Candido Keke pouvait faire une demande à zonga na appareil. Bandeko ya Pareco, ce qui biro na bino bazo sa bino te kulute bamba. Je m'excuse. To solo la kamalamu, mais ça c'est pas une question. Ya koye la bino in box pour to solo la te. Ma kamako solo les actes. Na yoka, ba nungu, ba démission ya mon homonyme Patrick Lukika. Kulute bamba na ye la ki yo, in box to solo la ki. Ope sa ki ngayi. Na ba point de vue na yo, na solo la ki na homonyme na nga Patrick Lukika, a yebi sa ki ngayi, a zala ki na torte, kuluto e bambape, o zala ki na torte. C'était le temps pour Patrick de partir. Mais kuluto soki o zali ko bomba, demande ya Candide, qui vous a salué, à salir Bino, à salir mémoire Yambanda. Vous recevez une demande, Yanyoka. Kunuto zali ko bomba yango, pourquoi? Bimisa yango. Yambalo yonde mutu bakokunda. Ça, je vous le promets. Mais ce n'est pas possible, ce pays. Ce n'est pas possible. Oza esika, o salir, ndenge balo bakana lingala, sumba nanganda, a salir, a kei, a ye kozonga bazo. C'est pareil avec Otozali Komanda Kinshasa. Bakamere, ba yibi, ba kek prison, ba bimisi bango ministre. Ba fayulu, ba dénoncer, ba zoyiba, ba yibinga élection, ba saliboye, ba sali, les mêmes personnes ou ba yibiye élection, a zui bango, ba komi ba misanto, a zali ko travaye na bango. Mais ce pays a quel problème au juste? Ce pays a quel problème? Candido Keke, de retour na Pareco? Non, non, non, non, non. Même dans Ndoto, na croyais qu'on imaginait un côté. Même dans Ndoto, na croyais qu'on imaginait un côté. Na composté des vidéos parce que la première est Kati. Oui, la suite, il y a la première. Mais je vous informe, Candido Keke a introduit une demande à Zonga na Pareco. Demande à Nezali na bureau ya Pareco. Nandenga Moulili. Na se ya mai, tomoni yango. Et nous demandons na ba, ba